Lui c'est le grand Marcel, il est devenu chef petit cabot. Plus de 30 ans qu'il harcèle, son petit surnom c'est le capot. C'est le pro du harcèlement. 30 ans qu'il harcèle, comme on dit, c'est un doux tyran. Il est comme ça Marcel, pour faire chier, il est pas feignant. C'est le pro du harcèlement. Il connaît toutes les ficelles pour terroriser ses collègues. Alors, il lui reste fidèle, personne n'ose faire le rebelle. C'est le pro du harcèlement. C'est le pro du harcèlement, 30 ans qu'il fait grincer des dents. Tout le monde veut lui rentrer dedans, mais personne n'ose le faire vraiment. Il dit que c'est pas méchant, s'il gueule tout le temps, c'est dans son tempérament, mais Marcel ment. C'est le pro du harcèlement. Il adore son boulot, y a que lui qui fait bien, les autres sont des blaireaux, alors il en parle comme à des chiens. C'est le pro du harcèlement. Toi tu penses qu'il connaît son taf, il bosse depuis si longtemps. Moi je rêve de lui coller une baffe, mais ça signerait mon licenciement. C'est le pro du harcèlement. C'est le pro du harcèlement, 30 ans qu'il fait grincer des dents. Tout le monde veut lui rentrer dedans, mais personne n'ose le faire vraiment. Il dit que c'est pas méchant, s'il gueule tout le temps, c'est dans son tempérament, mais Marcel ment. C'est le pro du harcèlement. Heureusement la nature est bien faite, un jour il se retrouvera tout seul. Ce jour-là, ce sera sa fête, ce jour-là ça lui pétera à la gueule. Car depuis le temps que Marcel ment, un jour ses victimes vont se fâcher et ça risque de devenir brutal. Les prochaines marches qu'il devra monter, ce sera les marches du tribunal. Car depuis le temps que Marcel ment, tout ce temps qu'il fait grincer des dents, tout le monde veut lui rentrer dedans, mais que personne n'ose le faire vraiment. Eh bien, les temps ont changé, et maintenant il faudrait penser à envoyer sur le banc tous les petits pros du harcèlement. Simpliste peut-être, mais affreusement sincère. Incompétent, incompétent, comptant le montant de ses financements, armement et gisement d'or. Noir ou blanc, produit sur le dos de millions de gens payant comptant. Ah, ça on peut être content, y'a de quoi être content. Les tyrans, tirant les rênes du pouvoir, et traînent leur honneur en crachant sur le savoir. Versant des torrents de sang et de chair par l'intermédiaire de leur versée. Crachant sur tout ce qui sort du rang à contre-courant. Et les tarés ont toutes les tares de la terre. Quand on est con, y'a pas de domaine, y'a pas de frontière. Et les tarés ont toutes les tares de la terre. Slogan simpliste peut-être, mais affreusement sincère. Oh. Années passent, la populace lasse en terre la crasse, ressasse, puis classe ce qui la dépasse, mais jamais ne remplace ce qui la casse. Fini la lutte des classes, y'en a marre des gauchiasses. Nous on préfère attendre que la tempête passe, que la tempête passe. Ba-la-ba-ba. Et tic-tac, tic-tac, j'attends la tactique technique qui tire les truands de la classe politique en attendant leur nouvelle manche d'essence sur le chemin du changement. Militaires, ils ont tout état de la terre. Quand on est con, y'a pas de domaine, y'a pas de frontière. Militaires, ils ont tout état de la terre. Slogan de quelqu'un qui en a marre de faire marche arrière. Ils ont tout état de la terre. Pa-da-pam, pa-da-pam. Quand on est con, y'a pas de domaine, y'a pas de frontière. Non, non, non, non. Militaires, ils ont tout état de la terre. Slogan de quelqu'un qui en a marre de faire marche arrière. Alors, allons de l'avant, même si ça prend du temps. Je laisse les passes présents à mes enfants. Notre rendez-vous s'est bien passé, plutôt pas mal j'ai trouvé. Elle était plutôt jolie, drôle et gentille a priori. Et là vient le moment fatal, un petit au revoir entre quatre yeux, le début d'une histoire à deux, et le choc est brutal. Aïe, ça pique. J'ai pris le râteau en pleine poire, sans fioriture et sans musique. J'ai pris le manche dans l'entrejambe et les dents dans les chicots. Tanné comme un morceau de viande, il n'a suffi que de quelques mots quand elle m'a dit: je préfère qu'on reste amis. C'est vrai, j'ai jamais eu la main verte, en jardinier plutôt médiocre. J'ai peut-être manqué l'alerte, imprudent en quelque sorte. Mais de là à m'imaginer que le coup serait aussi violent, ça avait si bien commencé. Et blanc, aïe, ça pique. J'ai pris le râteau en pleine poire, sans fioriture et sans musique. J'ai pris le manche dans l'entrejambe et les dents dans les chicots. Tanné comme un morceau de viande, il n'a suffi que de quelques mots lâchés comme ça. Je préfère qu'on en reste là. Certes, la métaphore n'est pas fameuse, on a fait mieux, je vous l'accorde. J'en ai peut-être une plus glorieuse, j'espère que Solar est d'accord. Plus qu'un jardin, la vie est un jeu de cartes ou une roulette de casino. J'ai frôlé le milliard et je suis retombé à zéro. Aïe, ça pique encore. Un coup de râteau dans la gueule, ça laisse des marques, on est d'accord. J'en ai encore mal dans les couilles et toujours la tête au carré. Mais j'ai compris, je me débrouille pour jardiner, faut se protéger. Et j'attends toujours qu'elle troque le râteau pour une pelle. Sonne ce qu'on m'a surpris. J'émerge peu à peu, un peu abasourdi. Le geste fatal, coup d'œil sur le calendrier. Je manque de faire une attaque, c'est le jour que j'ai tant redouté. Préparer la vie, gavé, je prends mon courage à deux mains. Je me résigne enfin à aller au turbin sans être forcément en mode misanthropique. Je préférerais de loin passer ma journée sous les tropiques. C'est le jour que je déteste, celui que je fous comme la peste. Le genre de jour où j'ai juste envie de rester tout seul au fond de mon lit. C'est le jour que je déteste, je l'affirme, je l'atteste. C'est décidé, je ne fais rien jusqu'à demain matin. La porte s'ouvre, j'admire cette triste journée ensoleillée. Je m'en vais flâner dans les rues à un vent d'aller bosser. Sur le chemin, je croise tous ces blaireaux avec leurs bouquets achetés en promo chez le fleuriste du quartier. Après avoir manqué d'en claquer deux ou trois, j'arrive au boulot énervé où tout le monde respire la joie. Ils ont tous le sourire aux lèvres, message à l'heure du ciné. Moi je reste planté sur ma chaise, j'ai toujours personne à appeler. C'est le jour que je déteste, celui que je fous comme la peste. Le genre du jour où j'ai juste envie de rester tout seul au fond de mon lit. C'est le jour où on offre des fleurs et dans mon cas, celui de l'erreur. Un seul jour dans l'année. Ah putain de 14 février. Après avoir bravé tous les dangers de cette journée interminable, je m'en vais payer ma tournée et me la mettre minable. Pour oublier, rien de mieux qu'une soirée entre potes. Une soirée arrosée vaut plus que le plus beau des jackpots. Chemin du retour plutôt tortueux, mais mission accomplie. Je peux vous assurer que cette soirée tombera jamais dans l'oubli. Les avantages du célibat, je les cherche encore. Me demande pas si ce n'est de pouvoir rentrer bourré sans risquer de se faire engueuler. C'est le jour que je déteste, celui que je fuis comme la peste. Le genre de jour où j'ai juste envie de rester tout seul au fond de mon lit. C'est le jour où je déprime, où je suis pressé que ça se termine. Je ne parle pas du lundi matin, mais du jour de la Saint-Valentin. Et si vous trouvez cette chanson un petit peu cynique, sachez qu'elle n'est qu'à moitié autobiographique. Car oui, je trouve ça joli, tous ces passants, la bague au doigt, le bouquet sous le bras, le cœur qui bat, peut-être un peu jaloux de ces gens-là. Mais ce qui me fout la haine, ce qui me fout la haine, c'est qu'il faut mettre ça l'année prochaine. C'est le jour que je déteste, celui que je fuis comme la peste. Le genre du jour où j'ai juste envie de rester tout seul au fond de mon lit. C'est le jour que je déteste, je l'affirme, je l'atteste. C'est décidé, je ne fais rien jusqu'à demain matin. C'est le jour que je déteste, celui que je fuis comme la peste. Le genre du jour où j'ai juste envie de rester tout seul au fond de mon lit. C'est le jour où je déprime, où je suis pressé que ça se termine. Je ne parle pas du lundi matin, mais du jour de la Saint-Valentin. Celui que je fuis comme la peste, le genre de jour où j'ai juste envie de rester tout seul au fond de mon lit. C'est mon jour de quarantaine, celui qui me fout la migraine en attendant le lendemain. Je me noie dans mon chagrin. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa illisibles avec leurs discours inaudibles qui nous aveuglent et nous rendent sourds. On en oublie les bruits autour, disparue la tolérance, vendeur de haine et de violence. Les paroles laissées de cimbrer, leurs discours qui me font gerber. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Leur idéal, c'est leur soi-disant ordre moral qui se nourrit de nos peurs, de l'angoisse et de la terreur. Nous, notre idéal, c'est le combat contre ce mal qui nous abrutit de son râle. Quand je dis le mal, je veux bien sûr dire le Front National. Les faits en position illisible avec leurs discours inaudibles qui nous aveuglent et nous rendent sourds. On en oublie les bruits autour, disparu la tolérance, vendeur de haine et de violence. Les paroles de ces cendres, leurs discours qui me font gerber. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ils veulent un État souverainiste ou plutôt impérialiste, rétablir les frontières, reprendre les méthodes d'avant-guerre. Ils votent Le Pen ou Collard, Loiseau. Ils attendent le grand soir, ils espèrent le renouveau. Les faits en position illisible avec leurs discours inaudibles qui nous aveuglent et nous rendent sourds. On en oublie les fruits autour, disparu la tolérance, vendeur de haine et de violence. Les paroles de septembre, leurs discours qui font gerber. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Peut-être ont-ils oublié Émile Zola, Bernard Lazare, grâce à qui la vérité a triomphé. Heureusement qu'il y avait les Dreyfusards, que sont peut-être plus côté Drummond, Colonel Henri et Sterazzi. Si c'est le cas, ils sont vraiment cons. Pardon, fallait rester poli. Mais faire l'ambition illisible avec leurs discours inaudibles. Et nous rend sourds. On en oublie les bruits autour. Disparu la tolérance, vendeur de haine et de violence. Les paroles de ces cendres, leurs discours qui font gerber. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Les faits en position éligible avec leurs discours inaudibles qui nous aveuglent et nous rendent sourds. On en oublie les bruits autour, disparu la tolérance, vendeur de haine et de violence. Les paroles de ces cendres, leurs discours qui me font gerber. À ça tu peux être fier, buter des dizaines de gens à la sortie d'un concert, c'est sûr que c'est ressourçant. Tu dis que t'as fait carrière, carrière dans le sang. Et là, folie meurtrière, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mec, t'as pété les plombs. Et tu t'es dit, tiens au fait, et si je faisais une hécatombe? À quel moment tu dis que tu vas voter un gamin sans avoir aucun remords du sang que t'as sur les mains? À quel moment tu dis que tu vas tuer une gamine, t'as aucune honte, non? T'as même pas mauvaise mine, pourquoi tu fais ça? Dis-moi ce que ça t'apporte d'exécuter à tout de bras des innocents, ça te récompense, et si c'est attrayant, la somme de sang et de violence. Mais les familles que t'as brisées, est-ce que ça t'y pense? Non, c'est sûr que t'y as pas pensé. Et pourquoi ça? Parce que tes pensées sont aveuglées par leurs idées. Enfin, parce qu'un gourou qui veut la tête du califat t'a fait croire à sa merde. À cause de la faiblesse de ton âme, tu t'es laissé berner par des mecs qui, au nom de leur dieu, ne cherchent que le pouvoir, le fric et le jeu. Ces mecs qui veulent faire régner le chaos et qui balancent leur soupe immonde dans leurs vidéos pour embrigader les jeunes comme nous. Il faut croire qu'ils réussissent bien leur coup. À nous aujourd'hui de combattre cette folie guerrière. Si on ne veut pas que demain ces abrutis nous enterrent, à nous de vivre, à nous de suivre. notre chemin. À nous de lire sur nos sourires notre espoir en demain. À nous d'apprendre et de comprendre notre voisin. Et pour demain matin, ensemble, redonnons-nous la main. Qui croient qu'un jour nous croirons leurs croyances. Je crains que leur cri cristallise notre soif de tolérance. La chute sera rude pour ces enfoirés en puissance. Si nous restons unis, ils n'auront aucune chance. À nous de vivre, à nous de suivre notre chemin. À nous de lire sur nos sourires notre espoir en demain. Donnons-nous la main. À nous de vivre, à nous de suivre notre chemin. À nous de lire sur nos sourires notre espoir en demain. À nous d'apprendre et de comprendre notre voisin. Et pour demain matin, ensemble, donnons-nous la main. Et pour demain matin, ensemble, prenons-nous la main.